Nous sommes mardi 11 septembre 2018. Bonjour fidèle auditeur, auditrice de la radio Isanganiro. Bienvenue à l'écoute de cette édition. Et en voici les grands titres. Les deux chambres du Parlement burundais rejettent le rapport récemment sorti par la commission onusienne présidée par le Sénégalais Doudou Diène. Un rapport également décrié par l'Observatoire national de prévention du génocide et autres crimes contre l'humanité. Sur nombre dans différentes classes en début de cette année scolaire, dans ce journal, nous vous parlerons du cas de l'école fondamentale de Mirango et en zone urbaine de Kamenge. Une seule classe de première année compte près de 140 élèves. À la fin de ce journal, vous aurez la chronique santé sur les causes des règles douloureuses chez de jeunes filles. Les détails, c'est dans cette édition mise en onde par Benoît Morichonzi et Séraphine Hakizimana. Rebonjour et bienvenue. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Parlons religion pour débuter ce journal. Il est dommage que des conflits s'observent entre les soi-disant serviteurs de Dieu. Le regret du porte-parole du ministère burundais de l'Intérieur qui fait savoir qu'un organe de régulation et de gestion des confessions religieuses a été mis en place au sein de ce ministère. Terence Nahiraja leur lance un appel plutôt d'être exemplaires des autres en prenant comme guide la parole divine qu'il prêche. Suivez-le au micro de Gertrude Maonayo. Auparavant, il y avait un décret-loi d'avril 1992 qui a été remplacé par une loi, effectivement. Pourquoi ? Parce que le décret-loi mélangeait les associations et les églises. Ils ont été séparés. Il y a un cadre légal pour les ASBL, mais également un cadre légal pour les confessions religieuses. Mais certaines dispositions de cette loi régissant les confessions religieuses prévoient la mise en place d'un organe qui est chargé de régulation pour gérer les conflits des églises. Est-ce qu'il arrive que l'un des côtés en conflit vienne déposer les plaintes ici au ministère de l'Intérieur? Bien entendu, cela arrive. Effectivement, ce n'est pas à l'organe que les églises doivent adresser effectivement leurs plaintes. Les plaintes sont adressées directement au ministre. Et le ministre, dans son travail quotidien, tous les dossiers qui concernent l'Église sont transférés à cet organe pour traiter les dossiers et proposer des solutions efficaces. Je voudrais profiter de cette heureuse occasion pour vous signifier qu'effectivement, c'est dommage de voir qu'au Burundi, il y a beaucoup de conflits entre les confessions religieuses. Et nous en avons plus de 600, si vous voulez. Ils sont très nombreux. Pourquoi ? Le gouvernement est obligé de laisser comme ça parce qu'il y a la constitution. On doit laisser la liberté à toutes les personnes, à un groupe de gens de se mettre ensemble, de faire des confessions religieuses. Mais seulement, ce qui est inquiétant, c'est que les hommes de Dieu devraient plutôt être un modèle, comme nous le recommande la parole de Dieu. Mais malheureusement, ce n'est pas ça le cas. Les conflits parmi les confessions religieuses sont plus nombreux que même au niveau des partis politiques ou des associations. C'est dommage. Je voudrais lancer un appel pressant à tous les représentants des confessions religieuses de respecter les Saintes Écritures, qui leur recommande d'être des sages, d'être un modèle en vue de construire une société paisible. Et tout ce veut dire qu'il fait le contraire de cela est malheureux parce qu'il sera puni par le Tout-Puissant. Terence Nahiraja, c'est le porte-parole du ministère burundais de l'Intérieur et de la formation patriotique et du développement local. Il le dit après que des conflits aient éclaté entre les leaders des églises en province Rumonge et à Bubanza. Parlons justice à présent. Les condamnés de la province Ngozi qui ont préféré aller travaux d'intérêt général au lieu de l'emprisonnement saluent cette sanction car selon eux, ces travaux se font étant dans leur famille. Les détenus demandent néanmoins que ces travaux se fassent dans leur commune d'origine et non au chef-lieu de la province, jugeant trop grande la distance à parcourir. Les détails avec Apollinaire Muzagara. Michel Mutama est l'un de ces prisonniers ayant été condamné à des travaux d'intérêt général. La cour d'appel de Ngozi lui avait condamné à 6 mois de prison ferme et une amende de 100 000 francs bout ou à faire 360 heures de travaux d'intérêt général. Michel Mutama a préféré cette dernière condamnation, indiquant qu'il est souhaitable de purger la peine tout en restant dans la famille. Cet homme de la commune qui est en bas dans la même province déplore néanmoins qu'on leur a intimé l'ordre d'exécuter ces travaux au chef-lieu de la province Ngozi. Il demande à cet effet aux autorités habilitées d'alléger cette sanction pour qu'ils fassent ces travaux d'intérêt général au chef-lieu de leur commune d'origine. Ce lundi, ces condamnés étaient venus à la recherche du procureur général près de la cour d'appel de Ngozi, Mezamvu. Il était en réunion de travail dans une autre province et on leur a proposé une autre date. Même ce mardi, avant midi, cette réunion n'avait pas encore pris fin. Donc aussi, Apone Muzagara, Radio Isanganiro. Vous n'avez pas Isanganiro? Vous ratez l'essentiel. Parlons droits de l'homme à 13h04 dans le studio de la radio Isanganiro. L'Observatoire national de prévention du génocide et autres crimes contre l'humanité s'inscrit en faux contre le récent rapport de la commission onusienne d'enquête sur les violations des droits de l'homme au Burundi. Jean de Dieu Mutabazi, président de cet observatoire, justifie que le dit rapport ne démontre pas les auteurs de ces violations et la méthode utilisée pour produire le rapport n'est pas fiable, dit-il. Il demande à cette commission onusienne de détailler les victimes des violations des droits humains et leurs auteurs et que le rapport soit retiré. Suivez. L'Observatoire national met la commission d'enquête au défi de donner les preuves de haine qui seraient contenues dans les différents discours du chef de l'État. Le rapport de la commission d'enquête est de nature à perturber la paix sociale et la cohésion du peuple burundais, car ce rapport est provocateur et outrancier. La commission d'enquête ne cite aucun élément positif, alors que le Conseil de sécurité des Nations Unies vient récemment de se féliciter de la bonne situation actuelle du pays. L'Observatoire national exige de retirer ses propos diffamatoires. L'Observatoire national demande à M. Doudou Diène de publier instamment la liste des victimes et des présumés auteurs de toutes les prétendues violations des droits de l'homme au Burundi. Exécutions sommaires, disparitions forcées, tortures, violences sexuelles et autres, pour que des enquêtes soient diligentées et que les coupables soient punis. En l'absence de tous ces éléments de preuve, ce rapport est fallacieux et ne peut être donc utilisé par aucune juridiction. La méthodologie de la commission pêche aussi par son échantillonnage des témoins qui n'est pas du tout représentatif de la population burundaise. Isanganiro. À présent, parlons cette. Je vous avais promis au début de ce journal la chronique santé. Avant de revenir sur la séance de ce mardi, où les deux chambres du Parlement burundais se sont réunies pour statuer sur le récent rapport de la commission onusienne sur les droits de l'homme au Burundi. Parlons d'abord de cette chronique santé. Eh bien, une fille en âge de procréer commence à avoir la menstruation. Le docteur Roméo Irangunda, chercheur en physiologie, indique que les règles douloureuses qui se manifestent chez certaines filles et femmes dépendent de l'organisme. Les causes d'une telle douleur sont multiples, y compris celles liées à l'hérédité. Ces cas nécessitent d'être suivis par un médecin. Les détails, c'est dans cette chronique santé signée Namia Ndeikage. Le changement du fonctionnement de l'organisme chez la fille après la puberté est l'un des signes qui montre qu'une fille atteint la maturité. Ce changement va de pair avec l'apparition des règles, comme l'explique le docteur Roméo Irangunda. Quand on parle des règles, ce sont des pertes du sang périodiques chez toute femme en âge de procréer. Donc ça peut être régulier ou irrégulier. Chaque fille entre dans une période. Le docteur explique que parmi les filles et les femmes, il y a celles qui ont les règles douloureuses et cela dépend de la cause de la douleur. Normalement, les règles ne sont pas si douloureuses que ça, oui, mais il y a des femmes, des filles où les règles sont vraiment douloureuses et d'autres où elles ne sont pas vraiment douloureuses. Tout dépend de la cause de l'étiologie. Donc, si c'est une dysménorrhée, donc c'est une des règles douloureuses, donc il y a des douleurs. Dans la littérature, on dit que 70% des tiers des femmes ont des règles qui sont douloureuses. Et ce qu'on appelle en français médical, des dysménorrhées. Alors, il y a ce qu'on appelle les dysménorrhées primaires et les dysménorrhées secondaires. Mais tous ont presque les mêmes signes, cliniques. Donc les signes, il y a surtout des crampes violentes en bas de ventre, surtout au niveau hypographique, douleurs pelviennes, on dit comme des contractions utérines. Alors, dès le premier jour des règles, des fois il y a une sensation de fatigue chez certaines filles ou femmes, des fois il y a des diarrhées, des maux de tête, on appelle des céphalées, des nausées, des vomissements également. Et oui, ce sont des signes qui surviennent en cas de règles douloureuses ou dysménorrhées. Le docteur Roméo Idangunda précise que les règles douloureuses se manifestent de la même façon, tant chez les célibataires que les femmes mariées. Moi, je sais que les douleurs sont les douleurs, que tu sois mariée ou pas. Seulement, quand tu es enceinte, ça fait des mois que tu ne vois pas tes règles. C'est une trop grande quantité des hormones qu'on appelle des prostaglandines, qui déclenchent des contractions utérines, qui ressemblent, c'est tout, à ce observé lors d'un accouchement. Le stress et la présence des kystes chez la femme est l'un des facteurs qui peuvent augmenter les douleurs pendant les règles, comme l'indique le docteur Roméo Idangunda. À part de cette grande quantité de hormones en paix de prostaglandine, il y a d'autres facteurs qui peuvent aggraver la douleur. Il y a ce qu'on appelle le tabac, l'alcool, éviter le stress, manque d'exercice physique. Et s'il y a dans ta famille des antécédents familiaux, des douleurs pendant les règles, également, toi, tu peux être aussi un être candidate à ces douleurs pelviennes. Également, si tu as eu tes premières règles avant 12 ans, ce qu'on appelle ménage avant 12 ans, et d'autres causes, les infections sexuellement transmissibles, les fibromes utérins, si on a un dispositif intra-utérin, tumeurs ou des kystes de l'ovaire, il y a des risques élevés d'avoir des règles douloureuses. Les douleurs ont des conséquences néfastes sur l'organisme de la femme. Elles peuvent être la cause d'autres maladies. Le docteur Roméo Idangunda nous en dira plus dans la prochaine chronique santé. Merci à Namia Ndaïkeje, au docteur avec qui Namia s'entretenait. Eh bien, reparlons droits de l'homme à présent. Je vous l'avais annoncé en titre. Les deux chambres du Parlement burundais rejettent le rapport récemment sorti par la commission onusienne présidée par le Sénégalais Doudou Diène. Un rapport, comme vous l'avez entendu, qui a été décrié par l'Observatoire national de prévention du génocide et autres crimes contre l'humanité. Eh bien, à l'hémicycle de Kigobe, bon nombre de parlementaires ont rejeté, je venais de vous le dire, ce rapport. Certains députés et sénateurs affirment que c'est un rapport mensonger, dont le sénateur Martin Ninhelete, qui estime que ces enquêteurs sont plutôt des commissionnaires qui ont été mandatés par les colonisateurs. Ils sont passés par toutes les voies pour renverser les institutions, dit-il, et cette fois, ils voudraient provoquer une guerre. Suivez. Naba baje muri uru rutonde kugira bafashe mukoroni kutwononera. Ibyo rero nibaza ko umuntu yokorera ko ils viennent eux aussi dans le but de soutenir les colons dont nous perturbons. Ce qu'il faut alors bien analyser, c'est devant eux en but. Moi, ce que j'en déduis, c'est qu'ils visent nous diviser. Diviser le Burundi, surtout terner l'image du président de la République, qui aime le Burundi et les Burundais, mais aussi la communauté internationale, car il ne perturbe aucune nation. Si on dit alors que c'est lui qui est à l'origine des idéologies divisionnistes dans le pays, moi je trouve que ce sont les mêmes auteurs du coup d'État manqué de 2015 qui veulent parachever leur projet. On dirait que c'est une déclaration de guerre quand on lit le contenu de ce rapport. Il ne contient aucune vérité. C'est pourquoi je pense qu'il ne faut pas le considérer. Même les membres de cette commission devraient ne pas être considérés. D'autant plus qu'ils demandent que leur mandat soit prolongé. Quand on entre dans le vif du rapport, c'est comme si c'était une guerre déclarée contre le Burundi. Et le Burundi, depuis son histoire, n'est jamais sorti perdant d'une guerre. Comme le dit souvent le numéro 1 burundais, Dieu en est témoin. Qu'il déclenche la guerre, mais ils ne vont pas gagner. Nous allons tenir tête. Celui qui viendra ne retournera pas chez lui. Et le ministre burundais de l'Intérieur, qui était un des membres du gouvernement invité à cette séance, souhaite de son côté que Bujumbura tente une affaire en justice, dans des tribunaux ou même devant Dieu. Pour lui, les experts de l'ONU sont allés loin en affirmant que le président burundais Pierre Nkurunziza attise la haine au sein de la population burundaise. Et pour sa part, le député Fabien Manchigani ne voit les choses autrement. Il trouve que la situation continuera à se durcir aussi longtemps que le gouvernement n'acceptera pas de coopérer avec les enquêteurs onusiens. Monsieur Manchigani affirme notamment que des cas de disparition continuent à être enregistrés avant de dire que la violation des droits de l'homme est une réalité dans le pays, n'est-ce pas, Léonce Vitaliou? nibo bantu bacazimira icahindutse gusa ntitubone ibiziga. Les gens continuent à être portés disparus. Seulement, ce qui a changé, on ne voit pas de cadavres. Souvenez-vous même à Bugendana dernièrement, il y a eu un cas de disparition. On ne sait pas qui ont enlevé l'homme. Et tout ça gonfle les chiffres de cas de disparition. Les exilés, c'est le cas des tambourinaires qui sont partis pour ne plus revenir dans le pays. Personne ne sait le motif de leur départ. Tout ce qu'il faut pour moi, vous devriez dire à nos ministres qu'ils doivent user d'un langage diplomatique. Ces enquêteurs ouvrent leur les portes, qu'ils viennent ici mener leurs enquêtes. Plus vous fermez, plus les choses se durcissent. Je donne un exemple, monsieur le ministre de l'Intérieur. Seriez-vous au courant qu'à Gihanga, il y a un couvre-feu depuis plus d'un mois déjà? Les gens ne bougent pas après 20 heures, ils sont battus, des amendes sont exigées. Et le ministre de la Justice, serait-il au courant qu'il y a des gens qui sont libérés par la justice mais qui croupissent toujours en prison? Il y a des problèmes. Ressaisissons-nous, disons la vérité. Monsieur le président de l'Assemblée nationale, je vous demanderai de m'accorder une audience pour que je vous dise en privé du nouveau dans notre commune Manda que nous partageons, vous et moi. Des gens ont été tués, je vous le dirai. Et vous allez faire le choix. Ce sera un exemple pour les autres. Page éducation pour clore ce journal. Le surnombre s'observe à l'école fondamentale Mirangoya en zone Kamenge, en mairie de Bujumbura. Plus de 5 élèves partagent un seul banc pupitre et les autres s'assoient par terre. La directrice de la dite école, Nduimana Domaïdès, demande un soutien de la part du gouvernement pour faire asseoir convenablement ses élèves. Et certains des parents rencontrés se disent prêts à acheter des bancs pour que leurs enfants puissent bien suivre les cours. Un reportage signé Francine Ndirokubgayo. Nous sommes en classe de première année à l'école fondamentale Mirango 1 de la zone Kamenge en mairie de Bujumbura et les communément appelés Kubafaransa. Dans la salle de classe, 4 à 5 élèves s'assoient sur un seul banc pupitre et d'autres par terre. Ils sont distraits, les uns s'occupent par des jeux tandis que les autres fatigués décident de dormir. La directrice de cette école, Domaïdès Nduimana, indique que les effectifs sont en surnombre. Les élèves doivent faire des relais pour s'asseoir et mise en groupe pédagogique pour poursuivre les cours. Nous nous trouvons en présence d'un effectif très élevé des élèves. Nous avons également un problème de banc pupitre. Depuis la première année jusqu'à la troisième année, les effectifs vraiment sont énormes. Dans une seule salle de classe, il y a plus de 140 élèves. Et ces 140 élèves, c'est un seul groupe pédagogique. Un autre groupe pédagogique vient après-midi avec plus de 140 élèves également. Avec l'attribution des cours, nous avons pu donner à ces différentes salles de classe de la première année à la troisième année, deux enseignants par groupe pédagogique pour essayer d'encadrer les enfants. Un enseignant peut enseigner, un autre corrige les devoirs ou bien les interrogations. Comme ça, il y a un relève, parce qu'il y a certains élèves qui s'assoient par terre et les autres qui s'assoient sur quelques bancs qui restent en classe. Mais après quelques deux ou trois heures, l'enseignant fait relève des élèves qui étaient sur les bancs, s'assoient par terre pour essayer de se reposer un peu. Sur un même banc pupitre, il peut y avoir 4 à 5 élèves. Bien que la situation se présente ainsi, des files de demandeurs de place s'observent toujours à cette école. Certains parents souhaitent même s'acheter des bons pupitres pour leurs enfants. Cela ressort de notre propre volonté pour que nos enfants aient un avenir meilleur. Ici, c'est tout près de chez nous. On fait tout pour que nos enfants ne soient toujours pas en retard. Comme les bons pupitres sont très peu, nous devons nous mettre ensemble avec 3 ou 4 autres parents pour acheter un bas pupitre. Malgré ces difficultés, la directrice de cette école se dit satisfaite des résultats obtenus à la fin de chaque année scolaire et demande toutefois qu'il y ait extension de l'école pour s'assurer de la bonne éducation de ses enfants. Merci à Francine pour tous ces détails et merci donc à vous tous qui avez suivi cette édition. Merci également à Benoît Morichonzi qui assure la mise en onde. Une excellente journée, un très bon après-midi à tous et à tous. Au revoir.